L'idée de ce petit jeu-là, c'est en fait c'est des photos. Soit des photos qu'on a prises depuis qu'on est par ici. Et on essaye de voir dans quelle catégorie de paysage, à quelle catégorie de paysage vous les rattacheriez. Alors nous, on a proposé certaines catégories de paysages. Il y a paysage de l'eau, paysage nourricier, paysage danger, paysage singulier, paysage passé. Mais c'est aussi possible de proposer d'autres catégories. Eric fait plutôt de la table. Et derrière, du coup, d'annoter la raison de pourquoi on le met dans cette catégorie ou dans une autre. C'est la seule qui est stupide. Ah là, on est obligé d'être d'accord, on est la planète qui nous inspire. Bah oui, tout à fait. C'est ma main qui respire, peut-être. Là, celui-là, il est toi, je suis stressée. Allez, j'arrive. Là, il est prêt pour moi. Je vais entrer. Le paysage danger, ben, danger c'est sûr, celui-là il est le pourfolé, la crochue. C'est paysage loisir. C'est vrai qu'on n'a pas loisir, il faudrait peut-être le rajouter hein, depuis. Hein. C'est à Rio Pérou, ça. En fait, on peut aller voir sur la carte. Le Rio Pérou, c'est toujours pareil. Et là, le musée. Voilà. C'est ça. C'est un petit chemin qui part. Ouais. Un club, rencontre. Ouais. Chez nous, c'est Rio Pérou. Celle-là, c'est Rio Pérou, vu du lacet des clous. Ah, des clous. Des réconservés, bientôt il n'y en a plus de ça. Ouais. Ils vont les enlever ? Ils vont enlever tous les tuyaux ? Il y en a encore pas mal, oui. Oui, ils vont les enlever, ça. Ça ouais. C'est une fois que la centrale va tourner. Oui, mais justement, ils vont enlever c'est, ou. C'est une galerie, ça passe. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'endroits qui vont être enlevés, ouais. Il y a quelques endroits qui vont être conservés. Oui, c'est ça, ils vont garder quelques endroits quand même. Mais c'est en cours de discussion ou c'est déjà tout décidé ? C'est pas encore tout à fait décidé, non, c'est ça. Complètement. Ouais. Ah, c'est joli ça. Ah ouais, ça sert à un truc loisir en fait. Il est là, loisir. Ça aussi. Loisir, innovation. Tu vas sécher de l'hiver, ça ? Bassin, là. Ouais. Tu vois, dans mon itinéraire, à un moment, on parle de bassin et c'est moi qui suis en photo. Il aurait fallu faire une photo de bassin. C'est vrai, j'ai agacé de me voir en photo, sur toutes les photos. Mais bon, tant pis pour eux. Hein. Alors, on a tout ça encore. Hein. Alors, fais voir hein. La première centrale. C'est rien que bien ça, disons. Deux bâtiments de l'ancienne papeterie. Trois, premier bâtiment, une turbine. Chaufferie pour vapeur. Troisième chute de 8 mètres. Cinq. Paysage de long, ça et ça, qu'est-ce que vous en diriez ? Ah bon, ça, c'est la prison. Hein. Ouais, bah, paysage de quoi ? Nourricier ? Parce que c'est ce qui va nous faire bouffer. Oui, mais on a le choix entre loisirs. Singulier, nourricier, passé, paysage de l'eau, paysage d'Angers. Singulier. Ça va avec. Voilà. Et les bassins, moi je les ai mis dans paysage de l'eau. Mais ça c'est pas le baron, c'est la poule d'or. D'Infernay, hein, c'est ça la poule d'or. Ouais. ça, non, c'est la Salinière. Non, c'est l'école. C'est la grande maison ça, de quoi, la Salinière. L'école, c'est la bâton, c'est le, oui, c'est de l'autre côté, oui. Lyon, je demandais ce que c'était, justement. C'est... Est-ce que c'est là qu'ils déposent les dépôts, justement, qu'ils Non, non, c'est pour tenir le... Ah. C'est pour éviter d'accord. les chutes de blocs de c'est la montagne. C'est comme une digue, mais pour les blocs de voilà, rochers. Ouais. C'est là où je vous disais carrière Dodd, c'est M. Dodd qui a fait ouais, ce, ouais, tout ce à fait. Gros tas de Ah, c'est de les, d'accord, là. C'est ça la carrière Dodd. Qu'est-ce que tu mets ? Tiens, je t'ai mis nourricier là. Marinette et Jeannot. Si, je t'ai dit Marinette et Jeannot. La Marinette, elle est sur le bord. Ah, oui, c'est le rouge ? Non, le rouge, c'est celui des Sophies. Ah oui, à côté, je ne le voyais pas. Non, c'est pas sa fille. C'est pas sa fille. Non, non, ils sont tous les deux tout seuls là, apparemment. T'es arrivée avec. T'es arrivée bien, toi. Elle me